Pages arrachées à l'œuvre d'Ossip Mandelstam. Texte choisi par Hélène Bleskin. Traduit du russe par Jean-Claude Schneider et publié aux éditions Le Bruit du Temps, La Dogana. Je n'ai pas envie de parler de moi, mais d'épier les pas du siècle, le bruit et la germination du temps. Cinquième épisode, Contre tout espoir. Non, de personne, jamais je ne fus le contemporain. Je n'ai que faire d'un tel honneur. Oh, combien me répugne un certain homonyme. Ce n'était pas moi, c'était un autre. Il a deux pommes somnolentes, le souverain siècle, et une belle bouche argileuse. Mais sur le bras languide du fils vieillissant, il se serre, agonisant. J'ai, avec le siècle soulevé des paupières malades, deux pesantes, somnolentes pommes. Et le grondement des fleuves m'a fait le récit des discordes enflammées des hommes. Il blanchissait, voici 100 ans, avec ses coussins, léger, escamotable, le lit. Sur lui s'allongeait, étrange, le corps d'argile. Le siècle enterrait sa prime ivresse. Au milieu de la grinçante progression du monde, comme elle était légère, la couche. Voilà, si nous ne nous forgeons pas d'autres siècles, durons la durée de celui-là. Dans la chambre chaude, dans la tente ou la carriole, le siècle agonise. Mais plus tard, deux pommes somnolentes sur l'hostie de corne luisent comme le feu d'un plumage. 1924. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer la vie des poètes exilés de l'intérieur dans la Russie soviétique. L'histoire d'Ossip Mandelstam fut découverte en France grâce à la publication en 1972 des souvenirs de sa femme, Nadiejda, intitulée « Contre tout espoir ». Elle raconte les difficultés rencontrées par Mandelstam pour s'adapter, dans les années 20, à ce nouveau monde. « Toutes ses tentatives pour s'accorder à l'époque furent vaines », écrit-elle. Il n'avait pas encore remarqué comment ces hommes nouveaux, si animés et volubiles en apparence, subissaient une métamorphose classique. Il devenait insensible, ce qui est parfaitement normal lorsque l'homme perd ce qui fait de lui un homme, c'est-à-dire la notion des valeurs. Or, en 1928, un éditeur demande à Mandelstam de réviser une traduction de Till Eulenspiegel, Till l'Espiègle, et publie le texte revu en omettant le nom du traducteur d'origine, Arkady Gornfeld. Malgré un rectificatif, les critiques se déchaînent et crient au plagiat. Mandelstam tente de se défendre, mais en vain. Il finira par être exclu de l'Union des écrivains. « Ils ne peuvent rien me faire en tant que poète », disait-il. Alors ils me mordent les mollets pour mes traductions. Son texte, non publié de son vivant, intitulé « La quatrième prose », est né des suites de cette injustice. Mandelstam l'a dicté à sa femme pendant l'hiver 1929-1930. Extrait. Dans l'exercice de l'écriture, je n'apprécie que les boursouflures de la chair, que les excroissances folles. Dans tout ce que produit la littérature mondiale, je fais deux parts, les œuvres permises et celles écrites sans autorisation. Les premières, c'est de l'ordure, les autres, de l'air volé. Les écrivains qui rédigent en toute conscience des choses autorisées, j'ai envie de leur cracher à la face, envie de leur donner des coups de bâton sur le crâne, de les réunir autour d'une table de la maison Herzen, en plaçant devant chacun d'eux un verre de thé policier et en leur mettant entre les mains une analyse d'urine de Gornfeld. À de tels écrivains, j'interdirais de se marier, de procréer. Comment pourraient-ils avoir des enfants si ces derniers doivent accomplir après nous ce qu'il y a de plus essentiel dans ces temps où leurs pères, 3 générations à l'avance, sont vendus au diable à peau grêlée. Voilà pour la petite page littéraire. Je n'ai ni manuscrit, ni carnet, ni archive. Ce que trace ma main n'est pas identifiable parce que je n'écris jamais. Je suis le seul en Russie à travailler à la voix. alors que tout autour, la meute des limiers au pelage dru, cette canaille, écrit. Quel diable d'écrivain je suis ! Fichez le camp, imbécile ! Mais des crayons, j'en ai plein, et tous volés et de diverses couleurs, qu'on peut tailler avec un rasoir Gillette. La petite lame de rasoir Gillette, avec son arête effilée et ses légères crénelures, m'a toujours paru l'un des produits les plus nobles de la sidérurgie. Un bon rasoir Gillette tranche comme la lèche, est flexible, mais ne casse pas dans la main. Un peu carte de visite d'un martien, un peu fiche d'un démon de la censure, ornée en son centre d'une petite découpe. La lame Gillette est un article du Trust de la mort, dont des hordes de loups américains et suédois sont les actionnaires. Je suis le chinois, personne ne me comprend. Haldibaldi, partons pour Alma-Ata, où les passants ont des yeux de raisin sec, où l'on croise le perse à l'œil en forme d'œuf miroir, le sarthe au regard de mouton. Haldibaldi, partons pour l'Azerbaïdjan. J'ai failli aller à Yerevan avec, confié par l'antique commissariat à la culture, mission de dispenser à de timides adolescents à tête ronde de l'indigente université monastère, la parole redoutable d'un séminaire. Si j'étais allé à Yerevan, je serais pendant 3 jours et 2 nuits descendu dans les grands buffets des stations pour manger des tartines beurrées de caviar rouge. Hadibaldi, j'aurais lu tout au long du chemin le meilleur livre de Zoschenko. J'aurais été heureux comme un tatar qui vient de voler 100 roubles. Haldibaldi, partons pour l'Azerbaïdjan. Dans mon panier de paille jaune, j'aurais emporté avec moi du courage en même temps qu'un monceau de linge fleurant bon la lessive. Et ma pelisse aurait pendu à un clou doré. Puis je serais sorti en gare d'Yerevan, tenant d'une main ma pelisse hivernale et de l'autre ma canne de vieillard, mon bourdon d'hébreu. Il y a en russe un vers magnifique de Essénine que je ne me lasserai pas de répéter dans mes chiennes de nuit moscovites. Sa magie disperse les mauvais esprits cornus. Devinez, ami, quel est ce vers. Il écrit dans la neige comme les traîneaux, il grince comme la clé dans la serrure, ses aiguilles de gel traversent la chambre. Je n'ai fusillé nul malheureux dans les geôles. Voilà un symbole de confiance, le canon poétique du véritable écrivain, de l'ennemi mortel de la littérature. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Au milieu du chemin de vie, j'ai été arrêté dans l'épaisse forêt soviétique par des bandits qui se disaient mes juges. C'étaient de sages vieillards au cou noueux et à petite tête d'oie, indignes de porter leur fardeau d'années. Moi, homme vieillissant, ne possédant plus qu'un débris de cœur, je brosse les chiens des maîtres, et ça ne leur suffit pas. Ça ne leur suffit pas. Les écrivains russes me regardent avec les yeux tendres d'un chien et implorent « crève ». Où puissent-ils cette haine de laquais, ce mépris de larbin pour mon nom ? Le tzigane avait au moins un cheval. Je suis, moi, en une seule personne, cheval et tzigane. En 1930, grâce à l'aide de Nikolaï Boukharin, les Mandelstam entreprennent un voyage à travers la Transcaucasie et séjournent de mai à septembre en Arménie. Le poète publiera en 1933 dans la revue Étoile le récit de ce voyage. Ashtarak. Le village d'Ashtarak est suspendu au murmure de l'eau, comme une carcasse en fil de fer. Ses jardins, des paniers de pierre sont le cadeau suprême dans un concert à bénéfice pour soprano coloratour. Nous avons passé la nuit dans une spacieuse demeure découlaquisée de 4 pièces. La direction du kolkhoz l'avait débarrassée de ses meubles et transformée en auberge de campagne. Sur une terrasse, capable d'accueillir toute la semence d'Abraham, se désolait le lavabo d'une laiterie. De là s'ouvrait une vue sur l'Alagaise. Le verger est une classe de danse pour arbres. Hésitation scolaire des pommiers, compétence écarlate des cerisiers, vous contemplez leurs quadrilles, leurs ritournelles et rondeaux. J'ai écouté le murmure chiffré du kolkhoz. Une averse a traversé les montagnes et les giboulées dévalaient les rues en torrents plus rapides que d'habitude. L'eau résonnait, enflait à tous les étages et étagères d'Ashtarak, faisait passer le chameau par le chat de l'aiguille. Votre lettre de 18 pages, tracée d'une écriture haute et droite comme une allée de peupliers, je l'ai bien reçue et j'y réponds. Un premier choc sur le mode sensuel avec la matière de la vieille architecture arménienne. L'œil cherche une forme, une idée, il l'attend. Et au lieu de cela, il tombe sur le pain chancy de la nature ou sur un pâté dur comme caillou. Les dents de la vue s'effritent et se brisent lorsqu'on regarde pour la première fois les églises d'Arménie. La langue arménienne est inusable, des bottes de pierre. Oui, bien sûr, mots à parois épaisses, intervalles d'air dans les semi-voyelles. Mais n'est-ce pas là ce qui fait tout son charme? Non. Pourquoi, tire-t-elle? Comment expliquer ou comprendre cela? J'ai éprouvé du plaisir à articuler des sons interdits aux lèvres russes, mystérieux, blâmables, voire, à certaines profondeurs, impudiques. Une eau qui bouillait, insipide, dans une théière en fer blanc, et soudain, on y a jeté une pincée d'un fabuleux thé noir. Telle était pour moi la langue arménienne. Je me suis fabriqué un sixième sens, lié à l'ararat, l'attirance qu'exerce la montagne. Maintenant, où que les pas me portent, ce sens est déjà propre à ma pensée, et il persistera. La petite église d'Ashtarak est des plus ordinaires, modeste pour l'Arménie. C'est une chapelle dans une kamilavka en hexaèdre, ornée d'un toit funambule en corniche, comme de sourcils en corde au-dessus de la lèvre parcimonieuse des fenêtres crevassées. La porte, plus silencieuse que l'eau, plus basse que l'herbe. Dressé sur la pointe des pieds, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Et alors là, une coupole. Une vraie, comme à Rome, chez Pierre, surplombant des foules par milliers et des palmes, et une mer de cierges et un baldaquin. Là, chantent comme des conques les cavités sphériques des absides. Là, quatre boulangers, nord, ouest, sud et est, aux yeux crevés, s'affairent dans le fournil des niches, fouillent dans les âtres et entre eux, sans savoir où se tenir. Qui a eu l'idée d'enterrer l'espace dans cette piteuse cave, dans cette geôle misérable, pour lui rendre là un hommage digne et psalmodié? Quand il ne peut pas s'endormir, le meunier se rend sans bonnet dans la cage du moulin et observe ses meules. Il m'arrive, la nuit, de me réveiller et de me réciter les conjugaisons selon la grammaire de Marr. L'instituteur Achot restait cloîtré entre les murs épais de sa maison, comme un personnage malheureux d'un roman de Victor Hugo. Après avoir tapoté le boîtier de son baromètre de capitaine de marine, il se rendait dans la cour pour relever ses mesures et traçait sur une feuille de papier quadrillé la courbe des précipitations. Il cultivait un maigre verger d'un dixième d'hectare, une mignonne parcelle cuite dans la croûte pierreuse du vignoble d'Ashtarak, et, bouche inutile, il était exclu du kolkhoz. Dans l'antre de sa commode reposait son diplôme d'université, son certificat de fin d'études et un carton défraîchi d'aquarelle, naïfs échantillons de son caractère et de son talent. Il gardait en lui la rumeur sourde d'un passé inabouti. Ce grand travailleur en chemise noire, aux yeux habités d'un feu grave, au cou découvert comme une figure de théâtre, se retirait dans les lointaines perspectives de la peinture d'histoire, auprès des martyrs de l'Écosse, chez les Stuarts. Il n'a pas encore été écrit ce récit qui dirait le tragique d'un être à l'instruction inachevée. La biographie d'un instituteur de village, il me semble, pourrait de nos jours, comme autrefois à Werther, devenir un livre de chevet. Ashtarak, bourg fortuné, niché sur les hauteurs, est plus ancien que nombre de villes d'Europe. Il est célèbre pour ses fêtes des moissons, ses champs d'achoug. Les gens qui vivent au voisinage de vignes aiment les femmes, sont sociables, moqueurs, ont une nature susceptible et un penchant pour l'oisiveté. Ceux d'Ashtarak ne font pas exception. Trois pommes sont tombées du ciel. La première pour le conteur, la seconde pour qui l'a écouté, la dernière pour qui l'a compris. Ainsi se conclut la plupart des contes arméniens. On en a collecté un grand nombre à Ashtarak. Cette région est le grenier du folklore arménien. Après leur voyage en Arménie, Ossip et Nadiejda Mandelstam reviennent à Leningrad. J'ai retrouvé ma ville, connue jusqu'aux larmes, jusqu'aux veines, aux glandes gonflées de l'enfance. Revenue. Vite, l'huile de foie de morue des fanaux des rives de Leningrad avale. Vite, reconnais-le, ce bref jour de décembre qui mêle au goudron lugubre le jaune d'œuf. Pétersbourg, je n'ai aucune envie de mourir. Tu as mes numéros de téléphone encore. Pétersbourg, ma mémoire garde des adresses où je sais pouvoir retrouver la voie des morts. J'habite l'escalier noir et contre ma tempe vient battre, arraché avec sa chair, la sonnette. Et toute la nuit, j'attends des visites chères. Je remue les chaînes de la porte, mes fers. Nous vivons sans sentir sous nos pieds le pays. C'est avec ces mots que commence l'un des poèmes politiques les plus connus du XXe siècle. Cet épigramme contre Staline, Mandelstam l'avait lu à plusieurs personnes de son entourage avant de l'écrire en novembre 1933. Selon le témoignage d'Anna Akhmatova, il disait, avant de le réciter, « Aujourd'hui, la poésie doit être civique ». Ce texte constitue le principal chef d'accusation contre Mandelstam et la raison de son arrestation en mai 1934. Nous vivons sans sentir sous nos pieds le pays. À 10 pas ne sont plus audibles nos paroles. Mais là où la parole à demi-mot suffit, c'est lui, le montagnard du Kremlin qu'on évoque. Ses doigts épais sont gras comme des vers de terre. Ses mots, infaillibles comme des poids d'un poudre. Parmi ses moustaches ricanent des cafards et les tiges de ses bottes sont des miroirs. L'entoure une racaille de chefs aux coups frêles, sous hommes dont il use comme de jouets. Un qui siffle, un autre qui miaule, un qui pleurniche. Lui seul s'amuse en père fouettard et tutoie. Il forge comme fer à cheval ses oukases, frappe qui à l'aine, qui au front, qui à l'œil. Toute mise à mort est pour lui délectation et fait se dilater sa poitrine d'ossette. L'année précédente, en 1932, Ossip Mandelstam avait écrit un poème intitulé « Minuit dans Moscou », dans lequel il affirmait être à présent contemporain de son siècle. Il est temps que vous le sachiez, je suis moi aussi un contemporain, un de l'époque des confections moscovites. Regardez mon informe veste, et marcher, et parler, je sais, voyez-vous. Au siècle, essayez donc de m'arracher, je vous mets au défi, vous vous casserez le cou. Je parle avec mon époque. Mais se peut-il que soit de chanvre son âme? Et s'est-elle chez nous honteusement acclimatée comme la bête ridée d'un temple tibétain? Remime-nous ça, Marivanna. C'est choquant, soit. Mais comprenez, c'est la luxure du travail, on a ça dans le sang. Déjà le jour, les jardins bruissent, vers télégraphe, Raphaël rend visite à Rembrandt. Lui et Mozart raffolent de Moscou pour ses yeux châtaignes, pour son ivresse de moineau. Et comme un courrier pneumatique, comme la gelée d'une méduse de mer noire, les courants de la chaîne des airs le colportent de logis en logis, ainsi qu'en mai les étudiants polissons. Dans la nuit du 16 mai 1934, Ossip Mandelstam est arrêté pour la première fois à Moscou, où il vit avec sa femme Nadiejda, pour activité contre-révolutionnaire. Grâce à l'intervention de Boukharine à la demande d'Anna Akhmatova et de Boris Pasternak, sa condamnation à la déportation est commuée en exil. Placé en résidence surveillée à Voronezh, privé de tout moyen de subsistance, il y compose entre 1935 et 1937 les Cahiers de Voronezh. Tu n'es pas mort encore. Pas encore seul. Tant qu'avec ta compagne mendiante, tu as la jouissance des plaines immenses, des ténèbres, du froid, des tempêtes. Dans ce luxe chagrin, cette pauvreté forte, vis donc paisiblement, consolée. Et béni soient ces jours, ces nuits, ma besogne à la voix mélodieuse, innocente. Malheureux qui a peur, comme de son ombre, d'un aboiement, et que le vent fauche. Et pitoyable il est, à demi-vivant, si à l'ombre il mendie une aumône. Après leurs 3 années d'exil, le couple Mandelstam cherche à s'installer à Moscou, mais le permis de séjour leur est refusé. La misère, la maladie, une vie clandestine dans des bourgades autour de la capitale. Les Mandelstam vivent grâce à l'aide de leurs amis, mais le 2 mai 1938, le poète est de nouveau arrêté et condamné cette fois à 5 ans de travaux forcés. Il meurt de faim et de froid à 47 ans, du côté de Vladivostok, aux portes de la Kolyma. Son corps est jeté dans une fosse commune. En 1956, pendant le dégel de la déstalinisation, Mandelstam fut partiellement réhabilité et disculpé des accusations portées contre lui en 1938. Mais ce n'est que le 28 octobre 1987, sous le gouvernement de Gorbatchev, qu'il fut pleinement lavé des accusations de 1934. M'interdisant les mers et l'élan et l'envol, et rivant ma semelle à ce socle de terre, qu'avez-vous obtenu? Éblouissant calcul, vous n'avez pas mis fin au remuement des lèvres. 1935. Величием равны и мглой, и холодом, и вьюгой. C'était «Pages arrachées à l'œuvre» d'Ossip Mandelstam. Texte choisi par Hélène Bleskin. Traduit du russe par Jean-Claude Schneider. Les œuvres complètes d'Ossip Mandelstam ont été publiées en 2018 aux éditions Le Bruit du Temps, La Dogana. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. 5e épisode avec Laurent Manzoni, Julie Pouillon, Vincent Berger et Peggy Martineau. Prise de son, montage, mixage, Cédric Chatelus. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Cédric Ossire.